mixers, donc en français, on les a appelés les tic-tac mixtes. Ouais. À saveur de cola à la cerise, donc cerise et cola, deux saveurs différentes. Et j'ai aussi amené un autre tic-tac mixte, c'est pêche-limonade. Oh, j'ai bien hâte. Ça va être le fun, là. C'est sûr que je pense que pêche-limonade va goûter pas mal les tic-tac normales, après moi. Tu penses? Je sais pas, ça a l'air un peu... Parce que les tic-tac en temps normal, c'est à la menthe. Oui, il y a plusieurs sortes, mais il me semble que c'est plus traditionnel. Limonade aux pêches. Ouais, ok. C'est pas écœurant. Mais jamais vu encore. Non, absolument pas. Est-ce que ça pas. Va goûter les pêches artificielles? Peut-être. Oh. Est-ce que c'est sans sucre? Tiens, on va justement regarder un petit peu en arrière. Donc, goûter les tic-tac mixers mixtes. Deux super saveurs dans chaque tic-tac, ok? Donc, c'est pas des tic-tac à la pêche et des tic-tac à la limonade. On pourra pas les goûter individuellement. Ok? Ok. C'est ensemble dans le même. Donc, quand celui-ci se dissout dans votre bouche, la saveur pêche se transforme en saveur de limonade. De ce côté-là. Alors que de l'autre côté, évidemment, ça dit. Quand celui-ci se dissout dans votre bouche, la saveur cerise se transforme en saveur de cola. Donc, valeur nutritive, il faut écrire à leur adresse postale pour avoir les valeurs nutritives. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je sais pas, hein? On dirait que oui, mais je comprends pas qu'il y a aucune valeur. Mais c'est peut-être parce que l'emballage est trop petit. Ben là, à un moment donné, il y a un emballage, il y a un sur emballage de plastique. Il y a une boîte de plastique. Ouais, il y a les valeurs sur de la gomme. Je peux pas croire. Non, mais pour vrai, il y a deux couvertures d'emballage exprès pour ça d'habitude. Donc, c'est ça, c'est importé par Ferrero Canada. Je savais pas que ça faisait partie de la compagnie Ferrero. Ingrédients, évidemment, sucre, maltodextrine, gomme arabique, acide tartrique, amidon de riz, acide malique. Pelle affaire qu'on n'arrive pas à prononcer. Arôme naturel et artificiel, acide citrique, stéarate de magnésium, colorant et cire de carnauba. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça dit une saveur qui évolue. Donc, c'est leur slogan pour les tic-tac mixtes. Et peut-être qu'il y a d'autres choses décrites en dessous de l'emballage de plastique. Donc, je t'envoie les deux produits dans le corridor où les accidents sont impossibles. Attention. Floup! On n'a plus vraiment ça. C'est sûr, ça fait du bruit. C'est ça. Il va falloir se faire construire un corridor plus sécuritaire. Oui, on pourrait faire ça. Bref, plus de budget. Micro 3, micro magique, comme on l'appelle par son petit nom. On va ouvrir... Déjà, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your tic-tac. Shake your tic-tac. OK, excuse. On est fatigués à matin. Oui, c'est facile de nous OK, je vais essayer d'ouvrir. Je suis pas sûre que ça va faire du bruit, par contre. OK. C'est ça que je disais. C'est difficile, hein? Ben, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit. Attention. Okay. Oh, il est ouvert. Oui, hein? Mais c'est en là le plastique au complet. Bon. Il y a quelque chose en dessous du plastique? Ou c'est juste de couleur rouge? Après moi, c'est on voit au travers. Je suis curieux de voir s'il n'y a pas d'autres choses écrites dessus. C'est, ouais, non, c'est simplement non. On voit au travers. Mais c'est donc bien plate, ça! Oh, oui, non, ça, c'est voilà, ça. Ça fait du bruit. Pop! Ouh, okay. Voilà! Est-ce que c'est comme les vrais contenants de tic-tac où tu peux. Je sais pas si tu savais qu'il y a un trou dans le dessus pour que quand tu verses, tu puisses faire tomber un tic-tac sur le trou. Savais-tu oui, mais comment est-ce que tu peux arriver à faire ça? Ferme la boîte un peu, vire la barre un peu, là, laisse tomber un tic-tac, puis fais juste ouvrir ta porte, mais en faisant attention que ça tombe pas, évidemment. Et là, il devrait y avoir un tic-tac qui se présente sur le petit présentoir. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est fait pour ça, en fait. C'était calculé. Mais comment est-ce que tu le revires par après? Tu y vas subtilement, je pense. Ouais, bon. OK. Oh, j'en ai deux. Bravo. Bon, mais ça marche au moins. Il est pogné après. Oui. C'est pogné dans la slot. C'est Coca-Cola à la cerise. C'est cola à la cerise. Cola à la cerise, pardon, pas Coca-Cola. Il n'y a pas d'association c'est avec Coca. Cola à la cerise. Je dois en prendre une, tu disais? Ah, prends-en deux parce que dans le fond, la saveur est dans les deux. Et quand ça fond, ça va devenir cola. C'est à la cerise au départ, OK? Donc, je vais te prêter le cola. Pendant que tu ouvres l'autre. Pendant c'est que bon. J'ouvre l'autre. On se lève parce que le corridor est trop loin. Merci, c'est plus toi que c'est. Que c'est on a refait le studio, mais tu sais, la table est vraiment plus longue. Elle n'est pas faite pour cette chronique-là tant que ça. Hein? J'en prends deux, moi aussi. M'en prendre trois, moi. Ah, ouais, ah, trois, ouais. Hey. Oh, Lynn. On dirait que ça se ferme moins bien que ça s'ouvre, les tic-tac. On dirait que c'est pas très, très solide. Honnêtement, le packaging, non. On dirait que si tu mets ça dans ta sacoche, jeune demoiselle, ça va tout se ramasser dans le fond. De toute façon, mets pas ça dans ta sacoche parce que ça va faire. Ça va shaker. On va l'entendre tout le temps, tu sais. Mais ça va faire des petits sons. Je sais pas si c'est juste moi, mais les contenants de Tic Tac sont rendus beaucoup plus cheap qu'avant. Je sais pas si c'est pour parce que c'est du plastique recyclé, mais c'est beaucoup plus mou. Tout est moins snappant. C'était beaucoup mieux fait avant, mais j'imagine que ça va coûter moins cher, et ça doit être plus recyclé et plus recyclable. Voilà. Je sais pas quoi penser de l'odeur pêche-limonade. Ah, j'ai pas senti les... Ça sent la plasticine. La cerise, ça sent absolument genre juste les jujubes plates, là. Ça sent un petit peu les framboises, je trouve, comme dans les machines. Ouais. Ça a l'air bon. Donc, je te prête pêche limonade. Et moi, j'aimerais, tant qu'à faire, tant qu'à le voir arriver, j'aimerais qu'on accueille Gabriel Béhoud. Bon matin! Salut, Gabriel. Allô, ça va bien? Oui, très bien. Qui s'en vient pour la collègue dans les coulisses de la lutte pour goûter avec nous à ces produits. Je vais me prendre mes, mes trois tic-tac à l'orange en en renversant deux sur la table, mais une chance que ça ne fait pas des dégâts, ça. Attention, c'est les voilà ici. Et je t'envoie ça, Gabriel. Attention. OK. Donc, on va essayer de prendre... les rouges en premier. Les rouges en premier. On vous attend, tout le monde va être prêt en même temps. On va avoir une haleine fraîche. Oui, il va falloir les croquer à la fin parce qu'il va falloir passer à l'orange rapidement. C'est vrai, ok. Donc, on est prêts, 3, 2, go. Puis on juste, c'est pétillant. Pétillant? C'est pas supposé être pétillant. Mais c'est au cola. Non, ça finit au cola à la fin, c'est aux cerises en premier. Mais c'est comme semi-pétillant. Ah, c'est vrai, ça, ça switch vraiment au goût de. Oh mon Dieu! Ouais, c'est fun. Incroyable. Hmm? Ça goûte le Dr. Pepper. Ben c'est vrai. Ça, ben c'est cola à la cerise. C'est ça, cola à la cerise. Dr. Pepper, c'est proche. Ouais, le gars, ben, on va t'expliquer. C'est arrivé au moment où on l'avait déjà ouvert, mais c'est nouvelle tic-tac cola à la cerise. C'est bon, ça? Ouais, c'est de la fusion. Là. C'est comme deux saveurs qui se transforment l'une dans l'autre. Et l'autre, c'est pêche limonade. Son petit, moi, je pensais que ça allait être des gros tic-tac. Parce ouais, ils sont quand même petits, hein? Le contenant est gros, mais c'est la grosseur des petits tic-tac traditionnels. Ouais, le contenant est immense, en fait. Il est immense, il y en a vraiment pour un bon bout, là. Est-ce qu'on croque un peu? Ça ouais, se croque bien. Ouais, ils sont croqués, ouais. On dirait que c'est plus... Ça goûte les bonbons au cola, d'ailleurs. C'est oui. Les espèces de jujubes cola, bon. Là. Ah, ça, oui. C'était bon. Hey, c'est vraiment les ça. Les bouteilles de coke. Ouais, ouais, ouais, exactement. C'est comme un flashback, j'ai quasiment une froid dans le dos. Est-ce qu'on essaie l'orange? orange, c'est pêche, limonade. C'est supposé être à la pêche au départ et ça devient la limonade après. OK. Goût de pêche assez normal, c'est quoi. Bon, le fameux goût artificiel de pêche. Ouais. Parce que qui mange des pêches, ça goûte ça? Fuzzy peach. Fuzzy exactement. Peach. Exactement. Et on croque? Croquons. Oh, limonade! Ah, c'est rafraîchissant au bout. Oh! C'est très bon. Ouais. C'est surette, là, ça pogne dans les joues. Oui, j'aime ça, le petit feeling dans les joues. Wouhouhou. Vraiment le fun. À 9h le matin, quand tu t'es couché à 3... Ouais, ça réveille. Ça réveille. C'est le déjeuner à Gab. Je pense qu'on est à peu près ça, en plus. Je donne un pouce en l'air à ça, moi. Oui. Pouce en l'air. Je pense que je donnerais plus un pouce en l'air au pêche limonade pour sa fraîcheur. Ah ouais. Hein. L'autre, c'est un... Ben, les deux sont sucrés, là, bien évidemment, mais... Moi, personnellement, j'aime mieux la saveur pêche limonade. C'est plus rafraîchissant, c'est le fun, ça. Ouais. Ben moi, j'achète pas ces genres de trucs-là parce que je pense qu'ils t'offraient genre 15 minutes. Oui, c'est vrai, j'en prends 5 hein? À c'est fois. C'est incroyable. J'avoue, c'est comme les menthes. Mais tu croques dedans, c'est fini, tu sais, il y en a plus. C'est ça, puis ça se traîne mal parce que ça fait du bruit. Exact. Tu devrais changer le contenant des tic-tacs pour faire moins de bruit. Voici une grosse pointe en dresse, une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. C'est la chronique dans laquelle on goûte à de la malbouffe achetée en épicerie, en dépanneur, dans une rangée qu'on ne devrait pas fréquenter si on veut être une personne avec une alimentation saine. Mais ce n'est pas mon cas. Ah. Hein? C'est ça, on a remarqué le problème. Donc aujourd'hui, je te fais goûter, Tania, quelque chose de principalement... tu sais, tu te rappelles les dernières semaines, c'était surtout sucré. Oui. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé du chocolat. On a mangé beaucoup de chocolat. Chocolat chaud. Ouais. Des tic-tacs. Cette fois-ci, je t'ai viré ça de bord. On y va du côté salé. Oh. En fait, du côté piquant même. Oui. Et c'est pas mal le contraire exact de ce qu'on a fait les dernières semaines, en fait, depuis le début de la session. Je te présente les croustilles de pita Stacy's au jalapeño roti. OK. Jalapeño roti. Donc, c'est fait avec du vrai jalapeño. C'est cuit au four. Lisons en arrière. Pour conférer à ces succulentes croustilles de pita cuites au four leur goût authentique de jalapeño roti, nous incorporons des morceaux de jalapeño et de poivron rouge à notre pâte de pita, puis nous assaisonnons nos croustilles d'un parfait mélange d'épices. Savourez la délicieuse saveur d'ingrédients de qualité que vous pouvez voir et goûter dans chaque bouchée. Intéressant. Il y a d'autres textes, quand même, ça n'arrête plus. La bonne chair et une vie saine, deux de mes passions depuis toujours, dit Stacy Madison, la cofondatrice de la compagnie Stacy's. Même à l'époque où je vendais des sandwichs à partir d'une cantine ambulante dans le centre de Boston pour faire patienter les clients qui attendaient, pareil comme chez Pita Pit.